fin de se conformer. Temps de recherche, temps de planifier, temps de voir dans le futur, temps d'agir aujourd'hui et dans les jours à venir. Nous apprenons par le passé pour projeter vers l'avant. Nous apprenons par le passé pour corriger et améliorer. Nous apprenons par le passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. Nous apprenons par le passé sans oublier. Lâchez-nous enregistrons notre acte, chemin de gré après la recul et que la réussite reste demain et les jours à venir. Nous renouvelons ce que nous sommes. Nous renouvelons notre acte. Nous renouvelons les avant. Nous renouvelons notre vie et projet. Nous réalisons nos projets. Nous réplissons notre plan. Nous réplissons les bonnes. Nous réplissons les bonnes marches. Nous renouvelons nos grains. Nous renouvelons notre usine. Nous renouvelons ce que nous sommes. Nous renouvelons les grandis. Thème de recherche, thème de planifier, thème de voir dans le futur, thème d'agir aujourd'hui et dans les jours à venir. Nous apprenons par le passé pour projeter vers l'avant. Nous apprenons par le passé pour corriger et améliorer. Nous apprenons par le passé pour éviter de faire les mêmes erreurs. Nous apprenons par le passé sans oublier les cavaliers.